Lucia, Kuya, Mada, Wada, Tanza, Tanza, Kuremwe, Egunwa, Tanza, see Mama Unia Airport, at Airport Lani a jet, jet Kimun Killer, jet Kimun Killer, see Mama Unia Jardin, at Ikaplate Patat, Patat Kimun Killer, Patat Kimun Killer, see Mama Mamideish, at Noyon Sebonda, Bonda Kimun Killer. Bonda Kimun Killer, Tanza, see Mama Unia Airport. Et airport la ni a jet, jet ki moun killa, jet ki moun killa. Jalousie et puis ennemi, tout ça qui fait moins plaisir. La joie de sopa ni oui fraîchi, si zot chola qui ni freddy. Mauvais artiste Solomon Vendi, tu nous as t'es parlé by Jésus. Malade à tête Jason et Freddy, marque un shit pour calmer l'esprit, est-ce que t'as entendu? Si maman ou ni a airport, et airport la ni a jet, jet ki moun killa, jet ki moun killa. Si maman ou ni a jardin, et y ka planté patate, patate ki moun killa. Patat ki moun killa. Si maman même ideish, et non yon se bonda. Bonda ki moun killa. Bonda ki moun killa. Tansa. Si maman ni a airport, et airport la ni a jet. Jet ki moun killa. Jet ki moun killa. Oute, alison. C'est mauvaise situation. La vie pas bol toloman. Vive n'est pas faible action. Oute piti et puis les gants. Chabine négo c'est je blanc. La vie ouais d'être c'est pas semblant. Maka shit pour espiration. Écoute moi. Si maman ni a airport, et airport la ni a jet. Jet ki moun killa. Jet ki moun killa. Si maman ou ni a jardin, et y ka planté patate. Patate ki moun killa. Patate ki moun killa. Si maman même ideish, et non yon se bonda. Bonda ki moun killa. Bonda ki moun killa. Tansa. Si maman ou ni a airport, et airport la ni a jet. Jet ki moun killa. Jet ki moun killa. Moi pli pas passer John Rambo. Hypocrite table les shows. Mettez forme yon dodo. Make big gal, ti ponto. Fait bouillie qu'on casse l'eau chaud. Sou patan pa, ou kray ten po. 2019 n'a vini pou yo. Mon check real et maka check faux. Écoute moi. Si maman ou ni a airport, et airport la ni a jet. Jet ki moun killa. Jet ki moun killa. Si maman ou ni a jardin, et y ka planté patate. Patate ki moun killa. Patate ki moun killa. Si maman même ideish, et non yon se bonda. Bonda ki moun killa. Bonda ki moun killa. Tansa. Si maman ou ni a airport, et airport la ni a jet. Jet ki moun killa.